Cinq personnes se perdent en visitant des catacombes. Ils se retrouvent finalement dans la crypte où le gardien les attend pour leur raconter leur avenir. La première histoire reprend Nuit de Noël pour femmes adultères, le deuxième épisode de la toute première saison des Contes de la crypte. Dans le second, un homme abandonne femme et enfant pour s'enfuir avec sa maîtresse, mais un accident va chambouler ses plans. Dans le suivant, un jeune connard met tout en œuvre pour débarrasser son voisinage d'un voisin qu'il juge inapproprié. Puis en avant-dernier, un homme d'affaires au bord de la faillite se voit octroyer trois souhaits qui se retourneront invariablement contre lui. Une libre adaptation de la patte de singe. Et enfin, la dernière histoire, un intendant véreux détourne pour son propre intérêt les fonds d'une pension pour aveugles, les laissant mourir de faim et de froid. En toute honnêteté, ce film souffre de petits problèmes de rythme, le syndrome du film à sketch, mais n'en est pas déplaisant pour autant. En effet, pour peu que l'on ne soit pas insensible à son petit charme désuet, c'est très agréable. Pas un chef-d'œuvre, mais un petit film sympa, plus fréquentable que les téléfilms officiels des contes. Dead lives.